couple avec Box, Denji Electrabel. La première. Il est 16h. Votre journal, Pierre-Yves Meugens, bonjour. Ah, bonjour à tous. Verlewaters et Hendrik Vuy quittent la NVA. Ils n'ont pas été exclus, ils sont partis d'eux-mêmes et restent députés. Ils estiment ne plus pouvoir mener de manière indépendante leur réflexion sur le futur de la Flandre au sein d'Objectif V. Dans ce communiqué qu'ils publient, les désormais ex-membres de la NVA disent vouloir regarder vers le futur et créer un nouveau cadre pour continuer leur projet communautaire. Chose d'après eux impossible au sein de la NVA, étant donné l'évolution du parti. En la matière, ils avaient critiqué Bart De Wever dans la presse ce week-end. Bart De Wever qui parlait de monter au pouvoir en 2019 sans forcément parler de nouvelles réformes de l'État. Ils n'avaient pas apprécié, ils l'ont dit publiquement et avaient été rappelés à l'ordre par le parti. Les universités peuvent inscrire en deuxième année de médecine tous les étudiants qui ont réussi leur première année avec au moins 45 crédits. Deux tribunaux ont ordonné hier l'inscription en deuxième année de plusieurs étudiants qui étaient dans ce cas. Dans un souci d'équité, Jean-Claude Marcoux, le ministre autorise tous les étudiants visés à s'inscrire. Ils pourront s'inscrire en deuxième bac à la condition d'avoir évidemment réussi 45 crédits. Et cela vaut autant pour les étudiants en médecine que pour les étudiants en dentisterie. C'était logique. C'était la cohérence. J'avais dit la semaine dernière qu'il s'imposait de respecter le calendrier judiciaire. Le judiciaire a répondu, a donné son point de vue et il nous importe de le respecter. Ça ne veut pas dire que tous ces étudiants auront nécessairement un numéro inani à la fin de leurs études, malheureusement. Ça, il faut poser la question à M. Michel et à Mme De Bloch. C'est de leur responsabilité. Comme vous l'avez constaté, le fédéral, de manière unilatérale, prend des initiatives. Il crée la pénurie. Il crée aussi des problèmes de fonctionnement dans nos universités. C'est pour ça que j'en appelle au Premier ministre. Jean-Claude Marcoux, ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, au micro de Rudy Hermans. La journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, on estime qu'entre 100 et 200 000 personnes souffrent de cette maladie en Belgique. S'il n'existe pas encore de traitement pour Alzheimer, certains facteurs peuvent faire obstacle à son développement. C'est notamment le cas du lien social. Bientôt, plus aucun frais supplémentaire quand vous utiliserez votre téléphone dans un autre pays de l'Union européenne. Cela fait des mois qu'on en discute, que la Commission l'avait promis, que les États et les députés européens l'avaient confirmé. Mais la Commission aurait voulu encadrer cette disparition des frais de roaming, comme on appelle ça, pour éviter les abus. Elle avait présenté une proposition en ce sens début septembre. Mais le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, l'avait retirée en estimant qu'elle était mauvaise pour le consommateur. Cette fois, Anne Blanpin, que propose la Commission ? C'est un tout petit peu plus compliqué que la précédente proposition. L'objectif est toujours le même dans le chef de la Commission, permettre à vous et moi d'utiliser notre téléphone dans un autre pays de l'Union quand nous voyageons, mais éviter que certains petits malins achètent des abonnements moins chers en Bulgarie, par exemple, tout en vivant en Belgique. Dans un premier temps, la Commission avait eu une idée toute simple. Si vous êtes moins de 3 mois à l'étranger par an, votre opérateur ne peut pas vous imposer des frais de roaming. Au-delà de 3 mois, il peut faire ce qu'il veut. Une mesure qui a déclenché un tollé de protestations de la part des consommateurs. Aujourd'hui, la Commission revient à la base. Plus aucun frais supplémentaire si vous êtes dans un autre pays de l'Union, sans limite de temps ou de volume. Mais si votre opérateur roumain constate que vous ne passez pratiquement aucun appel en Roumanie alors que vous avez une carte SIM roumaine, tout simplement parce que vous vivez en Belgique par exemple, eh bien il pourra vous demander des comptes et même s'il juge qu'il y a abus, il pourra vous imposer à nouveau de faibles surtaxes pour vos communications. Alors la Commission reconnaît que ce n'est pas une mesure très simple à mettre en œuvre, mais dit-elle, je n'en ai pas trouvé d'autre. On verra maintenant comment les États membres et les députés européens réagissent à cette mesure. À l'offensive sur Mossoul serait possible dès le début du mois d'octobre. C'est un chef militaire américain qui le dit. Les forces irakiennes sont techniquement prêtes, dit-il, à lancer l'offensive pour reprendre cette grande ville d'Irak qui est toujours aux mains du groupe terroriste État islamique. C'est la dernière grande ville d'ailleurs aux mains des djihadistes. Le lancement de l'opération est désormais vraiment une décision politique selon cet américain. Une décision politique à prendre avec le premier ministre irakien Al-Abadi. Et puis un bateau chavire au large de l'Égypte avec 600 réfugiés à son bord. 150 d'entre eux ont déjà pu être secourus, mais des responsables égyptiens ont fait savoir que 29 corps avaient été repêchés à ce stade des opérations en cours. Du football, ce soir, suite des 16e de finale de Coupe de Belgique, Charleroi reçoit Bocholt, équipe de division 2 amateur, Anderlecht Louvain, le Standard Kiel, Westerlo Tubize, Eupen, Roulers, Esprimont ira à Courtrai. C'est la fin de ce journal, belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Et je vous laisse avec Walid. Merci Pierre-Yves. Retour de l'information tout à l'heure à 16h30. Effectivement, c'est parti, nous sommes presque sérieux. Bienvenue. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez-d'investir. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. C'est comme l'Europe qui dit non à l'étiquetage 5 couleurs dans l'industrie agroalimentaire. C'est pourtant simple comme un jeu d'enfant. Tous les produits de consommation auraient donc des gommettes, du vert, c'est bon pour la santé, au rouge, faites gaffe. Pourquoi on ne l'impose pas alors que nos enfants sont en surpoids et que d'ici 15 ans, il n'y aura plus un seul médecin en Wallonie? Il y a un message. Le respect des daltoniens, oui, probablement. Même le zizi de Saint-Gilles qui pourrait s'intituler « Nuit debout, réveil mou ». Qui aurait pu prononcer la phrase du jour ? Je m'en occupe très intensément. On va demander à Vincent Flibustier. Ben c'est Jean-Charles Luberto à propos du tag de Saint-Gilles, évidemment. Si c'est lui, ça serait vachement drôle. Il faut qu'ils veulent revenir en politique d'une manière sympa, comme ça. Une carte de visite. Ouais. Ce qui se passe derrière le monde, c'est de mon cul. Et oui, décidément, pour la NVA, la Belgique, c'est comme Michael Schumacher, hein, ça ne peut toujours pas marcher. Oh. Oui. Du coup, beaucoup de maisons de repos en Allemagne ont eu une idée assez forte. Formidable ou horrible, je sais pas trop, c'est de mettre des faux arrêts de bus près des hauts. Comme ça, quand les vieux s'évadent, ben ils attendent le bus, mais le bus n'arrivera jamais s'il est faux. Et comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information, ce record de vente d'armes wallonnes à l'Arabie Saoudite? En Wallonie, l'argent n'a pas d'honneur. Pierre Collard-Bovy. Pierre? Wouhou! Pierre! Oui, je suis. C'est embouteillé. Brad Pitt. Et Angelina Jolie, c'est fini. Non. Ah, non. Et la question qui se pose maintenant, c'est qui va garder les Wiggos? Parce que... Ils vont les rendre. Papa Proll s'a recréé à l'identique sa chambre Ikea, comme à la maison. Même Lise Clevreux à 69 euros. Même lampadaire au coton-tige recyclé Dungtel à 19,99 €. Même rideau peint par une designer vietnamienne sous LSD à 4 euros du mètre. Parce que la vie, petit Chris Proll, c'est pas une pub Ikea. La vie, tu sais ce qu'elle leur fait au petit Chris Proll. Et pendant ce temps-là, 19% des Wallons voteraient pour la NVA. Vérification. Allô? Ja, goedendag meneer. U gaat voteren voor meneer Bart De Wever. Nee. Van de Bart De Wever. Nee. Pardon, capote. 16h, 17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Je vous ai apporté des bonbons. Eh oui, dans la série, c'est tous les M&M's. Hein. C'est le fils de Donald Trump qui a comparé les réfugiés syriens à une poignée de bonbons, dont quelques-uns sont empoisonnés, a déclaré que du coup, il valait mieux n'en prendre aucun. Ça confirme une chose, hein. Si Donald Trump arrive au pouvoir, c'est la fin des Haribo. Voilà. Et ils sont capables de tenir la dragée haute à n'importe qui. Ils aiment à être le petit chewing-gum, vous savez, celui qui colle et qui vient se coller aux semelles des grandes semondes. Voici votre équipe de confiseur du jour. Avec lui, on a toujours droit à une collation de bonnes nouvelles pour le goûter. C'est Jean-Jacques Jespers. Bonjour. Oui, absolument. Quand il vous colle quelque chose dans les dents, bien, ça fait mal. Hein. Un mi-chemin entre Chuck Norris et le Chocotoff. C'est notre petit Chocotoff. C'est Mathieu Pietro. Bonjour. Bonjour, Walid. Tiens, celui qu'on surnomme dans l'équipe affectueusement mon chéri. Bonjour. Même là, vous y êtes arrivé. Bonjour. Tiens, il a l'art d'enrober, lui, le mensonge dans un truc un palpable, c'est Vincent Flibustier, bonjour. Coucou. Il a tellement de sucre dans le sang que bah, c'est notre bonbon à nous. Oui, c'est Raoul Reyers, bonjour. Je suis une sucrète à moi tout seul. Ça vous m'étonnez. Tiens, elle est restée très enfant. Au début, elle faisait toutes ses conduites en lettres nic-nac. Et puis, bah, elle a dû arrêter le jour où le comptable de la RTBF lui a dit que c'était difficile de faire passer ça en frais de bureau. Un camion par jour. Ah oui, Ajar Boulèche, notre assistante. Et puis, que serait une douceur sans un joli emballage pas l'oreille, c'est elle qui s'en charge, c'est notre réalisatrice Roxane Brunet. Et vous, Walid, vous venez du pays de l'édulcorant. Pas mal. Je la note. J'aurais pu la faire pour Ajar aussi, tiens. Tiens, en attendant, vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est avec vous que nous en rions. Merci à vous d'être presque sérieux comme nos chroniqueurs du jour. Je vous ai apporté des bonbons. La première jusqu'à 17h30. C'est presque sérieux. Avec Walid. Avec Walid. Tiens, avant d'entamer cette émission, je tenais à m'excuser publiquement au nom de Pierre Charette. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là ? Concernant une chronique, il a un peu débordé, dérapé, et ça a heurté certaines personnes. On peut réécouter. Monsieur, question que j'embrasse au passage, que j'ai Ouzio, tout à l'heure au téléphone, Ouzio, effectivement, et d'autres personnes. Donc, sachez encore une fois que, voilà. C'est du deuxième degré, comme dirait Jean-Jacques Jespers. Mais voilà, petite parenthèse fermée, intéressons-nous à ce qui nous attend. Aujourd'hui, nous recevrons bien Olivier Bailly, journaliste et cofondateur du magazine Médor, trimestrielle coopérative belge d'enquête et de récits qui fête bien sa première année. On s'intéressera également durant 7h30 aux bonnes nouvelles avec Jean-Jacques Jespers, la saga des étudiants reçus collés en médecine avec Edgar Schotz, et puis l'erreur est humaine. Ouais, vaste sujet. Tout peut arriver, l'erreur est humaine, avec Manu Di Pietro. On va parler de François Hollande ? Non, plus près. Ah, plus près. Ok, d'accord. Ce sera donc chez nous. Et puis, on vous invite à jouer également avec l'actualité du jour. D'une part, sur la page Facebook, on vous invite notamment à repartir avec des places de théâtre, un arc-en-ciel pour l'Occident chrétien. Ça se déroule et ça se passe du 27 septembre au 1er octobre prochain au Théâtre de Poche. Rendez-vous donc sur la page Facebook. Page Facebook, vous allez pouvoir retitrer une information. Aujourd'hui, je parlais de François Hollande, puisque vous n'êtes pas sans savoir que François Hollande a reçu le prix d'homme d'État de l'année, un titre que vous allez vous amuser à retitrer dans un instant. Et donc on vous invite, vous qui nous écoutez, à faire pareil sur la page Facebook de l'émission. Le qui a dit du jour, la voici. Cette phrase avec laquelle nous allons jouer aujourd'hui, c'est dans l'actu de ce 21 septembre, journée de l'automne, bien entendu. Qui a dit « Je ne savais pas ». Ah ah, qui a dit je ne savais pas? Eh bien, inscrivez-vous d'ores et déjà en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Quatre entrées à l'Eurospace Center de Redu et une double compilation avec une compilse. C'est... Tu m'intéresses. C'est comme une carapulse. À la pression. C'est comme une carapulse, mais c'est, voilà, c'est à la pression, effectivement, Jean-Jacques. Qui aurait pu dire ça? Je ne savais pas. À vous de le déterminer parmi les propositions que nous vous ferons. Dans un instant, on joue avec l'un ou l'une d'entre vous. Tirage au sort dans un peu plus de 20 minutes, juste derrière les informations de 16h30. Mais intéressons-nous justement à l'info du jour, avec la une du jour et en chiffres, s'il vous plaît. C'est la une. Ah oui, alors attention, on va faire tourner une roue aux chiffres. C'est trop aux chiffres, puisque c'est des chiffres et des chiffres. C'est comme des chiffres d'œufs, je vous donne des chiffres. À vous de déterminer. On voit que c'est un arabe. Bien de quelle actualité il s'agit en rapport avec le chiffre que voici. Attention, fait tourner la roue. C'est une roulette. 400. Dites, la roue est énorme. Ouais, mais c'est, 400. On a les moyens. On a les moyens. Alors 400, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est tout? 400, il n'y a pas milliards, millions derrière. Ah, non, il y a 400, il y a quelque chose derrière. Ah oui, c'est un chiffre, mais je vous donne le trou dans le budget wallon. Et 400 millions d'euros. Effectivement, mon cher Manu Di Pietro, le déficit budgétaire de la Wallonie risque de gonfler de 440 millions d'euros l'année prochaine, selon donc, les informations de l'Écho publiées aujourd'hui, la veille de l'entame des consultations pour la préparation du budget 2017. Le gouvernement wallon qui fait donc face à un déplacement inattendu de ses dépenses. Surprise! Oh là là! Au départ, on s'attendait à 200 millions d'euros. Et puis non, là, c'est le trou. En tout cas, parmi ces explications avancées, c'est la hausse de l'inflation et son impact sur des dépenses, l'impact du tax shift fédéral et les coûts liés aux infrastructures. Mais vous avez lu ça ce matin. Moi, depuis, j'ai vu que ça pouvait être 650. C'est vrai, c'est monté à 650. Jusqu'à le déficit wallon, je vois ici, risque ainsi d'avoisiner 640 millions d'euros, ce que le cabinet du ministre du budget, Christophe Lacroix, a refusé de commenter. C'est marrant parce que 440 millions, c'est aussi au chiffre près le nombre de trous dans les autoroutes wallonnes. C'est vrai, c'est pas faux, hein, les petits trous. Alors, autre chiffre, autre numéro, à vous de déterminer de quoi il s'agit. On fait tourner la roue, c'est parti. 83. Ah, alors là, c'est facile. Dit quelle belle voix. Oui. Alors, 83. C'est l'âge de départ à la retraite que souhaiterait Chris Peter. Mais c'est une vraie... C'est la question la plus facile. Oui, c'est la plus facile. Je ne vais pas le dire. C'est à la fois, c'est honteux et on se dit, ah tiens, c'est bizarre. Disons que ce n'est pas sur ça qu'ils auraient dû se focaliser. Alors, de quoi s'agit-il? Du QI supposé de Bernard Westphal. Effectivement, c'est la contre-expertise payée par l'accusé. Alors, QI verbal, on peut l'expliquer, Jean-Jacques? Bah écoutez, je sais pas, moi c'est une notion que je viens de découvrir. Donc il y a un QI verbal et un QI non-verbal. Mmh. Le QI non-verbal est plus bas encore que le QI verbal, mais la moyenne est quand même 86. Alors, donc, en fait, on sort l'info, mais personne ne dit ce que c'est ce qu'il y a derrière. Alors c'est l'ADH qui a titré ça ce matin. Et sauf que c'est réservé aux abonnés. Du coup, tous les autres ont repris l'info sans avoir payé l'abonnement, donc personne ne sait ce qu'il y a derrière. Et vous avez piraté le site et vous connaissez la Pourquoi il n'a pas su utiliser le téléphone pour prévenir la réception que sa femme était morte. Il a descendu les 6 étages au lieu d'appeler le 112. Ah ben voilà, c'est un rapport en tout cas de l'expert psychiatrique mandaté par la justice pour examiner l'état mental de Bernard Westphal qui a fait bondir la défense et pour cause dans ses conclusions. Le docteur Elbeuk a souligné que l'accusé serait un menteur et un manipulateur aussi. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas dans ces cas-là plusieurs experts? Mais c'est le cas. Ouais. C'est le cas, c'est déjà une contre-expertise payée par lui et sa défense. Effectivement. Là où on s'acharne beaucoup, on s'acharne, mais je veux dire, la presse en donne d'accord. C'est du lynchage, là, c'est du lynchage. Ouais. Qu'il soit coupable ou pas, il est fini. Effectivement. En même temps, avec un QI de 83, il a un bel avenir sur RTL. Bon, autre chiffre. On embrasse. Faisons tourner cette fameuse roue avec encore un chiffre. C'est pas fini. Non, mais là, j'ai du chiffre. 261. Alors, 261. De quoi s'agit-il? 261. C'est le QI de Jean-Philippe Maillan, l'avocat de Bernard Westphal. Non, c'est pas ça. C'est comme un truc où on est très concerné, presque tous. Oui, enfin, tout le monde est concerné. C'est un coût. Ouais. 261, c'est un euro. C'est euro, effectivement. C'est un coût. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? C'est le coût de la RTBF par famille en Belgique. Non, c'était pas ça. C'est à peu près ça. Ce que coûte la production de quelque chose que nous avons tous, ou presque, ou en tout cas, enfin pas. Pas tout le monde. Un iPhone. Effectivement, Vincent Flibustier. S'il est vendu plus de 700€ sur le site d'Apple, eh bien le nouvel iPhone ne coûterait pourtant qu'un peu plus de 250€ à produire, selon une analyse détaillée de CNN qui a analysé en détail les coûts des différents éléments. Une marge tout à fait normale. Alors, attendez. Imaginez les conférences de presse qu'il faut organiser. Ah ben c'est justement ça, le prix. Hein. C'est là justement. Il faut savoir qu'avec Samsung et Apple, ce sont les deux qui dégagent le plus de marge. Et le prix des fringues qu'on a ici sur nous aussi, à mon avis, la marge est encore bien plus élevée. Et bien effectivement. Est-ce que vous connaissez le produit dont la marge est la plus élevée? Non, vous allez me dire. Ce sont les montures de lunettes. De lunettes, oui. Ils sont à 500%. Eh ben, dites donc, Raoul, on va ouvrir un business. On va ouvrir un commerce. On va faire des fausses montures de lunettes. Effectivement. Bon, j'avais encore d'autres chiffres, mais on va se les garder sous le coude. Hein. J'avais 10 ou 5. Gardez-les pour demain. Ah, ben voilà, bon, on les gardera pour demain. Okay. Ah, ce sera dans la suite. Quel teasing. Et puis, 10 ou 5. Accroché à son fauteuil, l'auditeur. Peut-être que Jean-Jacques va nous en parler. 10 ou 5, c'est peut-être dans ses bonnes nouvelles. Réponse d'ici quelques minutes. En attendant, je vous invite à vous inscrire en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On s'amuse avec l'actualité du jour. En ce 21 septembre, que je vous souhaite excellent à l'écoute de la première, presque sérieusement. Ils vous feront des propositions avec à l'intérieur, forcément, quelqu'un qui aurait pu dire « je ne savais pas ». Envoyez ces trois lettres CPS au 6031, repartez avec quatre entrées à l'Eurospace Center de Redu et une double compilation des grands du jazz. Bonne nouvelle. Eh bien c'est tout de suite sur la première, avec Jean-Jacques Jespers. J'avais une bonne nouvelle, on vous écoute. Ma bonne nouvelle est que j'ai perdu 47 kilos en un an. C'est presque sérieux sur la première, avec Walid. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en... Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. On est toujours gagnant chez Intermarché. Et plus encore, c'est samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Un hoverboard, ça peut être considéré comme un véhicule de société. Oui, hein? Le progrès est passionnant, mais pas sans risque. Vivium Assurance, plus d'infos chez votre courtier. Assinapolis Jambes et Cinéscope Louvain-la-Neuve présentent Gauze Opéra et Gauze Ballet. Un rendez-vous pour les mélomanes dans votre cinéma. Des spectacles grandioses à travers des ballets féeriques et des opéras exceptionnels. Et profitez d'un drink offert. Info et tickets au caisse ou sur acinapolis.be et cinescope.be. La première. Mobile Info. 16h19, saluons Adrien Demey. Adrien qui va d'ailleurs nous dire ce qui se passe sur nos routes. Bonjour Adrien. Bonjour Walid, bonjour à tous. Certaines petites choses et notamment un point noir à cette heure-ci, c'est sur le 42 tourné vers Mons. Un accident s'est produit à hauteur d'Antoin. Les files sont conséquentes en amont. 5 km de ralentissement. Vous perdez environ 35 minutes sur ce tronçon puisque la bande de droite est neutralisée à hauteur de l'accident qui s'est produit au kilomètre 28 Antoin donc vers Mons. Autre accident sur le 411 Bruxelles vers Namur à hauteur de Wallin. Un accident qui s'est produit tout à l'heure, mais la bande de droite et la bande d'arrêt d'urgence restent neutralisées. Le dépannage est en cours et cela ralentit dans ce secteur. Une quinzaine de minutes perdues dans ce secteur de Wallin, donc sur le 411 vers Namur. Et puis sur le ring de Bruxelles, ça commence à ralentir un petit peu plus sur certains tronçons. Un retard maximum de 15 à 20 minutes entre Zaventem et Grand Bigard. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Avec un invité, dans une quinzaine de minutes, on s'intéressera à ce trimestriel belge d'enquête et de récit, Médor. C'est un des trimestriels les mieux faits en Belgique. On va pas avoir peur des c'est scénarios. Spécial, en tout cas. C'est particulier. C'est très sympathique. C'est-à-dire que j'ai des parts dedans. Donc, je tenais quand même à vous le dire. Comme nous tous. Donc, effectivement, c'est un chouette magazine. C'est coopératif. C'est coopératif, effectivement. On en parlera dans un instant avec Olivier Bailly, journaliste et cofondateur de ce magazine. On en parlera avec lui. On vous en offrira également. En attendant, intéressons-nous avant de parler du cadeau, du qui a dit aux bonnes nouvelles signées Jean-Jacques Jespers. Tout va très bien. Ah ouais. Suffit de le vouloir et de le répéter, comme disait l'excellent docteur Émile Coué, qui d'ailleurs n'était pas docteur mais pharmacien, donc un précurseur des fabricants de benzodiazépines qui nous aide efficacement à croire à la méthode Coué. Tout va très bien donc et je me propose de vous en donner à nouveau quelques preuves tangibles. Première constatation pour prouver que tout va très bien, nos gouvernants ne gaspillent pas bêtement l'argent public. Bon, il y a bien Marie-Christine Marguem qui aurait oublié de réclamer quelques millions à Engie et EDF, mais ce n'était pas un oubli, c'était juste pour avoir un motif d'investir judicieusement, d'investir dans une nouvelle expertise confiée bien sûr à PwC, Ernst & Young, McKinsey ou Deloitte, bref à des vrais spécialistes, pour pallier les lacunes du minable régulateur public de l'énergie, la CREG. Quoi ? C'est justement la CREG qui a averti qu'il était temps de réclamer la redevance à Engie. Peut-être, mais ce sont quand même foncièrement des incapables, puisque ce sont des agents du service public. Craig le millionnaire. Et quand je vous disais que nos dirigeants ne jettent pas l'argent par les fenêtres, j'en veux une nouvelle preuve dans les déclarations du juge Michel Claise devant la commission parlementaire Panama Papers, donc à propos de la lutte contre la fraude fiscale. Comme l'a reconnu le juge Claise, le gouvernement a tout fait pour diminuer les dépenses dans ce domaine. Il a réduit les effectifs des parquets financiers, il a démantelé l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière, un gouffre à millions, et il s'est bien gardé de prendre la moindre mesure supplémentaire après les LuxLeaks, Offshore Leaks ou Panama Papers, etc. Ça aurait coûté bien trop cher et on aurait dû faire des économies dans d'autres domaines, comme par exemple le soutien aux entreprises multinationales d'audit et de consultance. D'ailleurs, quand on n'embête pas les fraudeurs, ça peut faire des économies. Regardez le fameux pacte d'excellence de l'enseignement francophone, le fameux pacte d'excellence. Eh bien, là aussi, fort judicieusement, c'est piloté par des consultants privés, les fameux Men in Black de McKinsey, les seuls, bien sûr, à pouvoir s'y retrouver dans un domaine où enseignants, parents, chercheurs et administration sont, bien entendu, totalement incompétents. Mais cette intervention providentielle de McKinsey ne coûtera rien aux contribuables. Ah. Elle est payée par le mécénat, par la fondation Libère et la fondation Bayer-Latour, bref, par les grandes familles citées dans les LuxLeaks, une belle marque de gratitude de ces familles envers les autorités qui ne les ont pas bêtement ennuyées avec des enquêtes fiscales. Vous voulez encore une preuve que nos dirigeants ne sont pas des paniers percés ? S'il vous plaît. Eh bien, bien que la législation européenne le lui impose depuis 2010, le gouvernement bruxellois s'est bien gardé de produire un plan de lutte contre la pollution à Bruxelles. Ah, c'est le fameux 5. Ça aurait coûté bien trop cher. On a même fait une économie substantielle en supprimant les stations de mesure de la pollution au carrefour à Arlois et dans la rue Bélia. Au moins, les maladies pulmonaires, c'est à charge de la Sécu et pas du contribuable bruxellois. Et puis, il fallait bien trouver des milliards nécessaires pour financer la nouvelle ligne de métro nord-sud Bordeaux-Albert, une ligne absolument indispensable, puisqu'elle va transporter 6000 passagers par heure à Skerbeek et à Evere. Évidemment, une ligne de métro n'est rentable qu'à partir de 20 000 passagers par heure. Évidemment, il existe déjà sur cet axe nord-sud des lignes de chemin de fer qu'on pourrait exploiter en métro. Mais rien n'est assez beau pour les Skerbeekois et pour les Évérois, ni pour les Forestois d'ailleurs, qui vont avoir droit à 100 millions d'euros pour remodeler leur station Albert, qui pourtant est déjà parfaitement adaptée au métro. Non, lutter contre la pollution à Bruxelles, ça aurait été un mauvais choix. Ça aurait empêché les autorités de soutenir les grandes entreprises du secteur du béton qui ont un urgent besoin de chantiers pharaoniques. Voilà, comme vous le constatez avec moi, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Vous parliez de la pollution de l'air, c'est ce fameux chiffre 5 Bruxellois qui ont déposé plainte aujourd'hui devant le tribunal de première instance contre de Bruxelles, contre le gouvernement régional qui prennent donc à bras le corps cette fameuse question de la pollution de l'air. Ils visent donc plus particulièrement les concentrations de dioxyde d'azote, de CO2. Oui, Raoul. L'info qui m'a le plus marqué, que Jean-Jacques a développé un petit peu, c'est le fait qu'il fallait border Albert maintenant. Ouais, c'est pas mal. Tiens, Raoul, vous avez également déniché pour nous l'une ou l'autre info, c'est parti. Oh, c'est oui, Raoul Reyers tout de suite. Raoul, ça fait du bien. Alors, dites-nous tout, Raoul. Un titre qui m'a sauté aux yeux ce matin. L'élu PS de Charleroi, Christian Meissmann, nous sur Facebook. Je ne vois pas le problème. C'est parce que tu es un peu replet, Christian. Mais nous, on le voit très bien, le problème. Un vieux gros truc mou qui pend et qui est flouté, heureusement. Ah oui. Pour les enfants, ce ne serait pas terrible. Enfin, voilà, c'est une première petite info. Est-ce que vous savez que le GPS s'est complètement dépassé? Et il y a quoi maintenant? Eh bien, il existe maintenant un jeans capable de vous orienter. Tout seul, c'est-à-dire que vous marchez plus. Une pression à l'entrejambe. Le pantalon est connecté à votre smartphone via Bluetooth. Ouais. Et possède deux capteurs vibrants. Ouais. Si vous devez tourner à gauche suivant le GPS de votre smartphone, ça vibre à gauche. Ouais. Si c'est à droite, ça vibre à droite. Si vous recevez un mail important, ça vibre au milieu. Ouais. Et donc, si vous apercevez une dame dans une rue sinueuse en train d'un peu sauter en l'air, c'est qu'elle reçoit à la fois un mail et qu'elle doit tourner à gauche et à droite. Oui, d'accord, ok. Mais c'est pas mal, c'est cette dingue, info sur la nouvelle technologie. Autre info, Raoul. Vous n'en avez pas marre du bruit que font les animaux de vos voisins? Écoutez, non, ça va. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'avais un ranch tout près de chez moi. Enfin, ils appelaient ça leur ranch. Vous habitiez Dallas. Raoul et Wings. J'ai vu passer des chevaux dans ma rue. Ouais. J'ai vu des cigognes sur la cheminée du voisin d'en face. Dans tous les ranchs, il y a des cigognes. Ouais. C'est connu. C'est bien connu. Enfin, ils appelaient ça ranch, mais c'était un nom générique. Les ranch rovers. Ça, il y en a aussi. Et donc, il y a un gars qui en a marre d'entendre la chèvre de sa voisine. Ah oui, j'ai vu. Et il a pris un javelot et malheureusement, il voulait juste lui faire peur, mais il l'a tué en le transperçant. Un méchoui. Et vous savez quoi? Il risque 6 ans de prison. Non. 6 ans? Tentative de meurtre ou quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, la voisine était... Elle était pas contente. C'est en Belgique? T'es blême. Ça, je ne sais pas. C'était pas... C'est en français, du côté de Toulouse, si je ne dis c'était pas de bêtises. Du côté de Toulouse? Oui, je pense. En tout cas, en prison, c'est beaucoup plus calme. Ouais. Avec un javelot, vous imaginez? Lancer un javelot sur... C'est une pauvre chèvre. Qu'est-ce qu'elle a demandé, la chèvre? Elle a rien demandé. Tiens, dans la suite, on va s'intéresser à Médor. On passe du coq à l'âne, si je puis dire. Non, de la chèvre au chien. C'était ça, Médor. On en parle avec Olivier Bailly, journaliste et cofondateur de ce magazine que vous allez découvrir avec nous dans un instant. En tout cas, il fait partie de ces trimestriels belges que nous vous conseillons presque sérieusement. On va vous en offrir d'ores et déjà dans un instant. Restez avec nous et puis vous invitez à jouer avec nous au Qui a dit. On vous offre pas mal de cadeaux. On vous offre dans un premier temps 4 entrées à l'Eurospace Center de Redu ainsi que une double compilation des grands du jazz avec une phrase qui aurait pu dire « Je ne savais pas ». Nous vous ferons bien entendu des propositions. Vous envoyez maintenant, là, tout de suite, CPS au 6031, 75 centimes le message. Et c'est dans la popoche. La première présentation. présente le Festival Saint-Jazz les 23 et 24 septembre à la Jazz Station, une édition 100% belge. Avec Dre Palmer-Seva, David Thomas Trio, un concert unique des présidents des Lundis d'Hortense, Thomas Champagne Random House, Stéphane Mercier Quintet et la projection du film Mannequin Swing. Info saintjazz.be avec KBC Brussels. Le nouveau Mercedes GLC Coupé, un SUV puissant aux allures de coupé pour franchir les montagnes les plus élevées ou les cases vitesses dans votre rue, pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage, pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé, pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Les meubles Belot à Soigny ne vendent pas que des meubles. Ils meublent vos rêves. Et surtout, ils les décorent pendant les Déco Days. Du 23 au 26 septembre, notre équipe de professionnels répondra à toutes vos questions de décoration. Oui, toutes. Venez donc faire la fête et profitez des prix cassés pendant ces 4 jours de portes ouvertes aux meubles Belot. Plus d'infos sur belot.com. Ça fait un moment que je pensais aux viagers, moi, pour compléter ma petite pension. J'ai contacté Trévi Viager, ils étaient les seuls à me garantir un paiement sécurisé de mes rentes, avec leur nouvelle assurance viager, avec cet argent. Je suis plus serein pour l'avenir. Trévi Viager, faites confiance à des professionnels. 02 343 22 40. La première présente Alex Vizorek dans Alex Vizorek est une œuvre d'art. Le phénomène de l'humour belge vous emmène dans un univers flamboyant où Magritte, Ravel et Visconti côtoient Pamela Anderson et Luis Fernandez. Sa mission, vous faire rire en vous apprenant, à moins que ce ne soit l'inverse. En tournée à Braine-l'Alleud, Bruxelles, Liège et Mons. Info alexvizorek.com. Un événement Kings of Comedy. Mais enfin chérie, qu'est-ce que je viens de dire, hein? Je viens de dire que là, les poissons clowns, ça va une heure, mais une semaine, là je peux plus, j'en ai plein les palmes, j'en ai ras du bol. Alors toi tu restes si tu veux, mais moi je vais chez Ford. Mais chérie! Non, je réussis pas! Eh oui, résistez à l'appel du tout nouveau et très charismatique Ford Edge, le plus grand SUV de la gamme. Au Performance Days du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. La première. 16h31. Synthèse de l'actualité, en tout cas c'est les infos qui seront développées tout à l'heure avec Pierre-Yves Meugens, bonjour. Ah bonjour, leur départ va faire du bruit, Hendrik Veuille et Verlewaters quittent la NVA parce qu'ils ne peuvent plus s'exprimer librement, disent-ils. Leur groupe de réflexion aurait été chapeauté par le vice-président du parti lundi. Leur mission institutionnelle leur avait déjà été retirée, ils avaient été écartés de la gestion journalière de la NVA pour avoir critiqué le week-end dernier dans la presse les ambitions du président Bart De Wever. Les deux élus finalement claquent la porte de la NVA mais restent députés. Reçu et collé, mais tous admis en deuxième année de médecine. Décision du ministre de l'Enseignement supérieur par mesure d'équité. Ces étudiants avaient réussi leur première année d'études, mais ils ne s'étaient pas classés assez haut lors du concours. On attendait encore une décision de justice pour les étudiants montois, mais le ministre choisit de tous leur ouvrir les portes de la deuxième. Coup d'œil sur le débat de soir première. Cette question, le traité transatlantique, le TTIP, est-il un bon moyen de limiter les dérives de la globalisation? On en débat tout à l'heure à 17h45 avec Christine Defraigne, du MR, présidente du Sénat, députée wallonne et chef de groupe au Conseil communal de Liège, et Bruno Coleman, chef économiste à la Banque de Grove Petercam, qui sont les invités d'Arnaud Reusen. Merci Pierre-Yves, retour dans l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux, sur la première 16h-17h30, avec Walid. Et nous avons, vous avez rendez-vous maintenant dans la librairie de Déborah, du côté de Bruxelles. Bonjour Déborah. Bonjour Walid, ça va? Bien, oh, ça va bien, et vous-même? Super bien, merci. Mais écoutez, ravi de vous avoir avec nous. Vous avez une voix ravissante, ma chère Déborah. Vous avez l'air souriante, mais je vous en prie. Déborah, comment s'appelle votre librairie? Je peux citer ça à la radio? Écoutez, oui. Dire une petite pub gratuite. Profitez-en. J'ai filé l'Iran. Ah non, ça vous ne pouviez pas. C'était la seule que vous ne pouviez pas. C'est un supermarché. Non, mais alors attendez, mais c'est vrai parce qu'on s'est posé la question pendant la pause, on se disait, est-ce que les libraires souffrent du même syndrome que les coiffeurs? C'est-à-dire, est-ce qu'au niveau du nom d'une librairie, on se dit, on va faire genre à la dans page. Dans l'original. Délivrez-vous. Délivrez-vous, voilà, c'est ça. Non, un livre ouvert. Non, vous non. Non, vous avez Marc Tapage non plus. Non. Déborah, on va s'intéresser à l'actualité avec vous. Sur bouquet, pardon. et vous offrir des cadeaux avec des propositions que nous allons vous faire et une phrase extraite d'un quotidien. Et une phrase même prononcée par quelqu'un aujourd'hui, en interview même. Un truc de fou. Hein. Je peux vous dire que là. Du lourd. C'est même une info CNN, monsieur. Non, mais je vous... c'est pas une blague, c'est une vraie info CNN. Mm-hmm. Vous allez voir que quand vous allez avoir l'info, vous allez tomber des nues. Ça, c'est du teasing de fou. Qui aurait pu dire, Déborah, je ne savais pas. Voici vos propositions. Il a vraiment dit, Déborah, je ne savais pas. Allez. Il a dit, je ne savais pas. On va demander à Edgar Schott. Mais non, Walid, ça n'est pas Bernard Westphal. C'est George Clooney à propos de la séparation d'Angelina Jolie et de Brad Pitt. Oui, je ne sais pas si vous saviez, mais Brad Pitt et Angelina Jolie se sont séparés. Vous avez changé, Edgar. Lisez la presse People, c'est fini. Vous cherchez l'audience. J'ai vu avec un close-off ce matin dans le tram. Cet homme a changé depuis qu'il fait de la radio. Bon, autre proposition pour Déborah. Qui aurait pu dire « je ne savais pas » Jean-Jacques Gespers. Eh bien, c'est José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne. Je ne savais pas, dit-il, que Goldman Sachs, c'était les escrocs qui ont aidé le gouvernement grec à maquiller ses comptes publics et que c'était eux les responsables du krach bancaire de 2008. Si j'avais su, j'aurais demandé plus. Raoul Reyers, je ne savais pas. Avec un grand sourire, François Hollande a dit « Je ne savais pas que j'étais le meilleur homme politique du monde ». Ah, non, c'est pas homme politique, attention. C'est président. Chef d'État. Homme d'État. Non, c'est parce qu'on l'imagine toujours pas chef d'État. Ah ouais, c'est pour ça que je me suis trompé. Comme quoi. Même eux, je crois, ils sont trompés. Ils ont dit, écoutez, on va faire semblant. Ils voulaient un Français de Hollande et ils sont tombés. Ben voilà, c'est ça. Vincent Flibustier, qui aurait pu dire pour Déborah, je ne savais pas. Eh bien, c'est JCL, c'est son pseudo, c'est le tagueur du Zizi de Saint-Gilles qui ne savait pas que c'était interdit. Ah, vous insistez vraiment, vous. Ça, c'est JCL. Non. Mais c'est pas sur toi, c'était pas préparé. Si, ok. C'est pas mal. Merci Vincent Flibustier. Et enfin, on va demander à Manu Di Pietro. Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais déjà mort, a déclaré Jacques Chirac après une revue de presse ce matin. Jacques Chirac pour Manu Di Pietro. Déborah, libraire à Bruxelles. Il y a des propositions et cette phrase. Je ne savais pas. Qui aurait pu la prononcer? Georges Clooney. Barroso, François Hollande, JCL ou Jacques Chirac? Alors, j'aurais beaucoup voulu dire que c'était le tagueur de Saint-Gilles, mais à mon avis, c'est plutôt Georges Clooney. À votre avis, c'est Georges Clooney? Qui vous dit que ça n'est pas la même personne? Sur le tag, vous voulez. Vous dites Georges Clooney. Oui. Vous êtes certaine? Non. Eh ben c'est trop tard puisque c'est gagné, c'est bien joué. Vous repartez avec ces cadeaux. Effectivement, Georges Clooney l'a déclaré au micro de CNN. C'est pas une blague, je dis ça. Il était. Ah oui, je l'ai vu. On prend cette info comme ça, parce qu'on se dit, le journaliste de CNN, recontextualise. C'est sorti de l'ONU. Il est à l'ONU. Ouais. Voilà, il est à l'Assemblée générale de l'ONU. Georges Clooney, voilà, vous savez que c'est un acteur engagé. Vous avez CNN, journalisme. Engagé. Oui, c'est un vieux journaliste en plus. Voilà. Et au lieu de lui poser une question en lien direct avec ce qui se passe au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, lui dit, vous savez ce qui s'est passé? Écoutez, vraiment, écoutez ce qui s'est passé. And your friend Brad. Your friend Brad. What happened to your divorce? I didn't know that. Ah voilà, je ne savais pas. Il ne savait pas. Et là, il faut voir dans le regard de George Clooney, qu'est-ce que je fais? Je lui en colle une, je pars très vite, je prends mon téléphone et je l'appelle en direct pour faire le buzz. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est donc gagné. Georges Clooney qui répondait donc « je ne savais pas » au micro d'un journaliste politique de la CNN à propos de la séparation du couple Brad Pitt-Angelina Jolie. On a un nouveau slogan pour CNN, « A closer look on the news ». C'est pas mal ça. Vous avez changé, vous. Vous repartez donc, ma chère Déborah, avec 4 entrées à l'Eurospace Center de Reduit et cette double compilation Les Grands du Jazz. Restez-nous fidèles, restez presque sérieux et à très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt. Et il est là, Olivier Bailly, journaliste et cofondateur du magazine Médor, on l'accueille. Eh oui, on fait entrer l'invité, il est avec nous. Alors, Médor, ce n'est pas un chien, c'est ce qu'on apprend dans la presse. Ce n'est pas un magazine, c'est un magazine, pardon, trimestriel belge et coopératif. Et une boulette. Non, mais ce que je disais juste avant. Je lui ai dit que ce serait drôle. 128 pages de journalisme, d'enquête, de récits, de portraits, de très belles photos aussi, parce qu'il y a à la fin, quand vous arrivez à la fin. Et de dessins. C'est vraiment super. Très, très bien. Tout centré sur la Belgique. Il y a même une page à colorier, c'est magnifique. Moi, je trouve vraiment que c'est un des trimestriels les mieux faits. C'est dommage que ce soit même pas fait en mensuel, voire en hebdomadaire. Ça coûterait trop cher et il va nous en parler d'ailleurs. Bonjour Olivier Bailly, comment allez-vous? Je vais très bien, merci de m'accueillir. Est-ce que, d'abord, c'est une tradition dans cette émission, vous vous jurez d'être presque sérieux? Je le jure. C'est vrai. Je jure, ouais. C'est alors, le défaut des journalistes, c'est d'être souvent trop sérieux. Alors, c'est un journal, magazine, qui mêle à la fois humour, enquête, bien précise, ça prend du temps d'ailleurs de faire des enquêtes. Vous êtes plus libre qu'un indépendantiste flamand et un régionaliste wallon réunis, je trouve que l'image est drôle. On préfère le deep journalisme au slow journalisme, c'est-à-dire que vous allez vraiment en profondeur, hein. C'est un peu les Qataris du journalisme, hein, tellement vous creusez pour chercher. Alors, c'est une tradition également dans cette émission, on va vous offrir une minute pour donner envie aux auditeurs de la première, ceux qui nous écoutent également à l'autre bout du monde, de se procurer, de s'abonner à Médor, ce trimestriel belge, cette minute, la voici. C'est parti. Ah voilà. Vous pouvez enlever votre casque. C'est un peu dérangeant cette musique. C'est fait exprès. Non, en gros, Médor, c'est un média, et donc comme tout média, en tout cas, qui se respecte, c'est un bout de démocratie. Donc déjà rien que ça, je pense que c'est préférable à une tablette ou 12 bouteilles de vin. Après, c'est un média un peu particulier, puisqu'on est en coopérative. La propriété de Médor est possédée par essentiellement ses lecteurs. 95% de nos revenus viennent des abonnements et des achats, ce qui nous assure une forme d'indépendance, comme vous l'avez mentionné. Et ensuite, on est ce bout de démocratie un peu particulier où on a essayé aussi de réinventer la manière de faire de l'information avec, par exemple, chez nous, il n'y a pas de rédacteur en chef tournant. Ici, je sais que c'est vous le chef, mais c'est, chez nous... C'est faux. C'est faux. Ah, c'est faux, voilà. C'est faux, c'est faux. Il est négrier, lui. C'est faux, tu sors. On est pas si une enquête sur les négriers. Ben. Ouais. Et donc, du coup, le processus de création d'information a été repensé. Et puis, simplement, on est centré sur la Belgique et donc on travaille sur des enquêtes. Je vous invite vraiment à vous le procurer, Médor.coop. Alors, ça... Ce journal sent la liberté. Alors c'est vraiment non mais ça sent la liberté de dire sans vous regarder, on avait l'impression que vous preniez un rail de coke. Vous repreniez pour la première fois de votre vie, Walid. Médor, ce trimestriel belge d'enquête et de récit, on va avoir une descente de flics dans pas longtemps. Vous êtes avec nous, Olivier Bailly, et on va s'intéresser d'ailleurs à ce magazine avec des questions presque sérieuses. Vous y répondez ou vous passez à côté. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est difficile avec, aujourd'hui, le journalisme de survivre dans un marché de niche? D'abord, au sein de Médor, chaque fois qu'il y a un jeu de mots avec les chiens, parce qu'on en... Ah bah alors attendez, vous avez dit qu'est-ce qu'il y a, dites-moi, parce que là c'est bon. Il y a une amende de 20 cents en fait. Alors attendez, je vous donne... Il a les moyens. Je vous donne 20 euros maintenant. D'accord. Je vais pouvoir en faire 100. Alors, dites-nous un peu, est-ce que c'est difficile pour un journal aujourd'hui de vivre et de faire justement ce que vous dites du journalisme de profondeur? Oui, c'est clairement difficile parce qu'en plus on est sur un terrain limité en Belgique francophone. On a voulu centrer nos informations sur la Belgique, d'une manière pour nous de nourrir aussi tout de même notre société. Et donc, de toute évidence, le processus est difficile. On essaye malgré tout d'avoir des rémunérations qu'on juge correctes pour les auteurs. On peut citer des chiffres. C'est ça que j'aime bien, la transparence. Et puis, on en viendra à vous après. Ouais, par exemple, le reportage ou l'enquête sur l'acier fragile, les trois auteurs, dont le photographe, ont été payés 2700 euros. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas par beaucoup? Par personne ou... Non, eux trois. L'esclavage moderne a été payé 2000, là, il était tout seul. C'est pas des sommes mirobolantes, mais c'est super. Mais c'est du travail, c'est du travail. Et c'est du travail. Et pourquoi est-ce que vous essayez pas, vu que vous êtes dans les sujets, pas directement sur la Belgique francophone, mais est-ce que ça serait pas intéressant de faire de la traduction pour justement toucher le public flamand aussi? Alors, d'abord, la traduction est tout à fait possible parce que l'essentiel de nos textes sont en Creative Commons, donc ça veut dire qu'en tout cas d'une certaine manière vous pouvez les dupliquer. Alors en fonction ça veut dire que c'est dans les possibilités de recopier. Ensuite oui, ce serait une piste. On n'existe que depuis un an, donc il y a encore beaucoup de pistes à explorer, et celle-là en est une, à un moment donné, de développer peut-être des logiques de traduction. Est-ce que vous avez attrapé la chienne au premier rendez-vous? Alors, on précise d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent qu'attraper la chienne au Québec, ça veut dire avoir peur. Et je rappelle d'ailleurs qu'on a essayé de vous museler dès le premier numéro. Ouais, ouais. Allez. Ah non, mais ils ont pris des médicaments. J'ai dit que je donnais 20 euros, donc ça, je peux y aller. Et 20 euros, c'est une part coopérateur. Mais il n'y a pas de souci, mais avec plaisir. Comme ça, vous serez notre maître. Oui. Oui, ça a été difficile d'abord parce que, de fait, le projet est quand même atypique dans un secteur qui est tout de même en crise, avec quelque chose qui était plus de l'artisanat, soyons francs, que pas de l'amateurisme, hein, de l'artisanat dans notre production. Et donc, on tablait autour de 4200 ventes et les experts, qui ont l'avantage d'être experts du passé, rarement du futur, nous prédisaient plutôt une vente autour de 1000-1500. Et donc, c'était clair qu'il y avait une forme de défi. Et dans la foulée, la première enquête qui est sortie nous a valu un procès de la société pharmaceutique Mitra, qui, vous parliez d'avoir peur. Alors, je ne pense pas qu'on ait eu peur, mais il y avait un risque, en tout cas. Oui, il y avait un risque, puisque ça, on a été devant un tribunal de première instance, qu'à un moment donné, Médor ne puisse pas sortir. Mmh. Et vous en faites une pub, côté, oui, c'est ça. Et du coup, par après, c'est sûr qu'au bout de l'issue, puisqu'on a eu raison sur toute la ligne et qu'on a pu être libéré, c'est clair que ça nous a fait une publicité considérable. Et ça, ça a stabilisé. Parce que j'imagine que vous avez eu un boost de vente et d'abonnement, mais c'est resté, je veux dire, ça n'a pas été juste un effet Mitra. Alors on a par rapport aux ventes, comme on s'organise par dépôt, donc c'est difficile de faire les bilans. Moi, je peux vous dire que le premier numéro a été vendu à 10 000 et le deuxième a été vendu à 8 000 et les abonnés continuent. Là, sur le temps des vacances, on en a eu environ 300, oui, donc, alors qu'on s'attendait tout de même à un fléchissement. Donc ça continue. Est-ce que ce que vous faites, notamment sur l'affaire Mitra ou d'autres affaires que vous avez révélées, ou en tout cas des choses dont vous parlez, ont un impact? Ça sert à quelque chose? Parce que, par exemple, sur l'affaire Mitra, on a beaucoup entendu parler du fait qu'ils vous avaient censuré, mais en fait, le fond de l'article, personne n'en a parlé, et on a l'impression que finalement, ça a servi à rien, tout ça. Ouais, ouais, à mon avis, ça, c'est la question plus large de l'utilité du journalisme. Il y a à la fois la conscientisation, à un moment donné, ou la révélation de faits. Ça, c'est difficile à quantifier sur le grand public. Et puis, c'est vrai qu'il y a les résultats directs dans l'affaire Mitra. Alors, je pense qu'il s'est fait taper les doigts par le ministre Marcourt. Mais à part ça, je n'ai pas vu beaucoup d'effets. Je voulais dire que ça ne fait pas peur, ça. Se faire taper sur les doigts par M. Marco, je sais pas, j'ai pas compris cette expérience. Si ça faisait pas peur, ils n'auraient pas essayé de l'interdire. À vous offrir. Dans l'actualité, à qui Médor souhaiterait-il mettre une muselière? Mettre une muselière, ben on n'est pas trop pour mettre des muselières, nous. On est plutôt pour la liberté d'expression complète, vu qu'on a essayé de nous en mettre une. Donc j'aurais un peu de difficulté à répondre à cette question. Par contre, c'est clair qu'on a envie de parfois rétablir certains faits. Mais si, personnellement, moi par exemple, ce serait plutôt à Jean Quatremer, par exemple. Tiens, imaginez un instant, on vous graisse la papate. Que diriez-vous... Allez, Vincent, encore, c'est parti. Que diriez-vous à Jean Quatremer? Que diriez-vous de bien sur Jean Quatremer? Qu'il est journaliste. Il a des beaux cheveux. Non, qu'il a été journaliste. Qu'il a été journaliste, voilà... C'est un peu difficile, vous m'avez demandé de qui je voulais à qui je voulais faire taire, donc c'est un peu difficile de lui trouver des angles positifs, mais il en a certainement. Si Marine Le Pen vous caressait dans le sens du poil, est-ce que vous diriez du bien d'elle aussi? Ah non, mais ni Marine Le Pen ni Donald Trump. Il est clair que moi, c'est dans notre ADN, on dit ni ami ni ennemi. Ouais. Et donc impartial. On essaye. Ouais. Rester d'être. Alors, on a beaucoup discuté les mots d'objectivité, d'honnêteté. Donc, on a des tentatives d'impartialité. Voilà. Après, on part dans les grandes discussions sur le factualité plutôt. Voilà. Et on a envie, en effet, d'apporter des faits par rapport à la réalité belge. Et là-dessus, on est vraiment, à un moment donné, on dépose des pièces à conviction. Et en effet, c'est aux personnes ensuite, à différentes personnes, de s'en saisir. Voilà, et de temps en temps, comme dans l'affaire Mitra, peut-être qu'on ne s'en est pas suffisamment saisi. Mais notre rôle, nous, s'arrête là. Il faut rester aussi... Je vous invite vraiment à vous rendre en librairie ou d'aller sur medor.com, c'est bien ça? Coop. Pour vous procurer ce trimestriel belge d'enquête et de récit. On va vous en offrir. D'ailleurs, vous envoyez simplement Médor par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Ça, et vous pourrez découvrir... Alors là, à vous de voir. ce quatrième numéro de ce trimestriel belge et l'un de ses cofondateurs, journaliste Olivier Bailly, est avec nous pour parler de tout ça et on continue à nous intéresser à l'actualité avec cette fois-ci Edgar Schott et la médecine. Vous en parlez également dans ce quatrième numéro, on va en revenir dans un instant. Quoi, de moi ? Non, pas d'Edgar Schott, on parle de médecine avec vous et des étudiants, c'est dans la suite de C'est Presque Sérieux. Comme je vais dire, elle n'est pas, du métier, qu'elle n'a pas de diplôme, je vais dire, ça peut, étonner plus d'un. C'est Presque Sérieux sur la première. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Un SUV puissant aux allures de coupé. Pour franchir les montagnes les plus élevées. Ou les cases vitesses dans votre rue. Pour traverser des paysages enneigés. Ou les flaques devant votre garage. Pour explorer les territoires les plus vastes. Ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé. Pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Vous sentez ? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. En septembre, ça va bouger dans les sous-sols bruxellois. Musiciens, danseurs ou créateurs, les artistes s'emparent des stations de la STIB à l'occasion de Wonderground. Wonderground. Wonderground, le festival des arts pour les 40 ans du métro, du 16 au 25 septembre. Plus d'infos sur stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. La première présente... Le Tempo Color, un festival urbain pour d'autres visions du monde. Au programme, concerts, expositions, débats, animations, fanfares, théâtre de rue. Une manifestation gratuite et solidaire pour tous. À Liège, les 23, 24 et 25 septembre. Info tempocolor.be. Tempocolor.be. Avec la Wallonie et la ville de Liège. La première... Mobile Info. À 16h50, que se passe-t-il sur nos routes ? La réponse tout de suite avec Adrien Demey. Quelques accidents à signaler, notamment sur le 42 entre Tournai et Mons, à hauteur de Antoin. La bande droite reste neutralisée. Vous perdez pas mal de temps dans ce secteur. 30 à 35 minutes supplémentaires. 5 km de congestion trafic dans ce secteur d'Antoin vers Mons. Sur le 40 Aix-la-Chapelle vers Bruxelles, deux choses à signaler. Tout d'abord, un accident à hauteur de Barchon, kilomètre 99.9. La voie centrale et la voie de droite sont neutralisées vers Bruxelles. Plus proche de la capitale, toujours sur cette E40 venant de Liège, à hauteur de Woluwe-Saint-Étienne. Un accident s'est produit, ce qui paralyse la bande de droite et cela vous ralentit direction Bruxelles. Si vous quittez la capitale via le 411 vers Namur, évidemment, toujours les conséquences de cet accident qui s'est produit tout à l'heure à hauteur de Wallin. La bande de droite et la bande d'arrêt d'urgence restent neutralisées. Le dépannage est en cours et donc les fils se sont fortement allongés. Ça coince depuis Louvrange sur 8 km, comptez 35 minutes de retard sur ce tronçon avec des répercussions d'une part sur la N4 et d'autre part sur la N25. Donc si vous passez par la patience ou éviter le secteur. Et puis sur le ring de Bruxelles, pointons un retard plus conséquent à cette heure-ci. Ça ne s'affiche pas, donc on en parlera tout à l'heure. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. C'est Presque Sérieux sur la première. L'information autrement, l'information à la source, l'information en profondeur, c'est Médor. On vous en parle aujourd'hui presque sérieusement avec un de ses cofondateurs, Olivier Bailly, journaliste également. Et on vous offre un numéro, ce numéro 4. Hein, n'hésitez pas à envoyer Médor par SMS au 6031 avec vos coordonnées complètes. Vous parlez justement dans ce numéro de la médecine en Roumanie, Olivier. Oui, ouais. Tout à fait. Je retourne à la page. Non, c'est bien. Benjamin Moriamé, par ailleurs un des fondateurs de Médor, qui est parti à Cluj, où il y a des universités. Ça existe vraiment. Oui. Et il est resté avec des étudiants qui étudient la médecine en français et qui, au bout des 5 années de leur cursus, reviendront en Belgique avec un diplôme européen, donc tout à fait valide, et un accès de numéro à l'INAMI. C'est une manière. De détourner à un moment donné. Et ben vous en parlez, on va en parler justement, puisqu'hier, le tribunal des référés de Namur a donné aux raisons, donc aux étudiants reçus collés en médecine, qui exigeaient de pouvoir s'inscrire en deuxième année. Et bien personne n'a rien compris à cette histoire, et je doute que ce soit beaucoup plus clair après vos explications, Edgar. Oui, alors avouez-le, hein, vous avez toujours eu un doute sur le sujet de cette chronique. Quand je vous ai dit que je vous parlerais de médecine... Vous allez me dire, non, ce ne sera pas de médecine. Parlez-moi d'autre chose. Si, si. Ah, ok, d'accord. je pense que les auditeurs ont le droit de savoir que quand je vous ai dit que je vous parlerais de médecine et de tribunal, vous m'avez répondu, oh non, pas encore un truc sur l'affaire Westphal. T'as rien de plus original. Et pourtant, je vous jure qu'il y a un potentiel comique dans cette histoire de reçu-coller, et pas seulement, évidemment, dans l'infinité de jeux de mots qu'elle permet, hein, copier-coller, couper-décaler, coller-monter, couper-coller, et j'en passe, et voilà comment on nique en seulement 5 secondes des heures de travail de Michael Albaz. Non, mais le potentiel comique, disais-je, par exemple, dans 10 ans, on ne dira plus « Eh, ton diplôme, tu l'as reçu dans un Kinder Surprise, mais eh, ton diplôme, tu l'as gagné au tribunal des référés de Namur !» Et puis, il y a aussi cette question qui me taraude, quand un médecin a pu devenir médecin grâce à une décision judiciaire, est-ce que ça fait automatiquement de lui un médecin légiste? Bref, toute cette saga est digne d'une comédie de Molière, sauf que tant que le fédéral maintient son verrou sur les numéros inami, ce ne sont pas tant des malades imaginaires qu'on est en train de créer, mais plutôt des médecins imaginaires. Mmh. Et puis, ça nous rappelle aussi quand même cette histoire que dans la vie, il y a deux catégories d'enfants. Il y a ceux qui ont réussi mais qui ont raté quand même. C'était le cas des étudiants en médecine jusqu'à la décision judiciaire d'hier. C'est aussi le cas de beaucoup d'étudiants diplômés en sociologie ou en journalisme. Mais en journalisme, c'est parce qu'ils ont cours avec Jean-Jacques. Et puis, il y a la deuxième catégorie. Ce sont ceux qui ont raté, mais qui ont réussi quand même. Et là, on peut penser à Jean Sarkozy, à Denis Ducarme, à Benoît Lugen, à Frédéric Dardenne, ou même au roi Philippe, si vous voyez ce que je veux dire. Il faudra quand même peut-être penser un jour à dire aux enfants qu'il est beaucoup moins important de bien choisir ses études que de bien choisir ses parents. Ceci dit, je vous avoue qu'il y a quand même un peu de Schadenfreude chez moi à imaginer l'angoisse des étudiants en médecine attendant de recevoir le résultat. Quoi, ne me dites pas que vous ignorez ce qu'est la Schadenfreude. Jean-Jacques, allez-y, expliquez-leur. Ben, c'est le fait de se réjouir tout en étant... C'est le réjouir du malheur des autres. Voilà, oui. La joie éprouvée au malheur d'autrui, un mot qui n'existe qu'en allemand. Donc je disais un peu de Schadenfreude, en allemand, on ne sait pas pourquoi. Bizarre. Parce qu'en général, ce sont les patients et pas les médecins qui sont angoissés avant de recevoir les résultats de leur dernier examen. Par exemple, moi, la dernière fois que j'ai fait un check-up, mon médecin m'a appelé dès qu'il a eu les résultats. Il m'a dit d'un ton lugubre, Edgar, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi et ta capacité à adopter un mode de vie plus raisonnable. Malheureusement, ton foie est dans un état parfait. Voilà mon rapport à la médecine. Ça consiste donc essentiellement à me rendre compte que les pires des prédictions que les médecins m'adressent ne se réalisent en fait jamais. Et d'ailleurs, le merveilleux Louis Kutner, qui est à mon sens le plus grand des surréalistes belges, l'avait déjà dit beaucoup mieux que je ne pourrais le faire moi-même. Je cite « La médecine a fait depuis un siècle des progrès sans répit, inventant par milliers des maladies nouvelles. » Ah, Edgar Schott. C'est une chronique que vous allez retrouver sur le site de La Première, lapremière.be, et on en parle également de médecine dans Médor. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les équipes sont plurielles. C'est-à-dire qu'on ne retrouve jamais un seul journaliste, mais il y a une vraie équipe. Collégialité. Par rapport à la solitude du métier du journaliste, on essaie de lui attribuer ce qu'on appelle chez nous des parrains, c'est le principe de peer reviewer universitaire, et ce sont des gens bienveillants qui l'accompagnent dans la réalisation de son papier, en fait. Deux questions rapides, vous répondez oui ou non. Est-ce que vous seriez prêt à faire coucouche avec Panier pour décrocher une interview exclusive de Michel Martin? Oui ou non? Non. Non. Parce que lui est partant. Est-ce que Médor aurait pu collaborer avec Milou? Ah, excellent. Non plus. Ok, reste avec nous. Nous sommes presque sérieux. On a déjà beaucoup collaboré, Milou. À Médor, et on vous offre bien justement ce numéro 4 en envoyant simplement Médor par SMS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On s'informe à 17h. Et on continue à être presque sérieux. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif, magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200 € et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Excusez-moi, la Peugeot 308, là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique, elle a aussi le cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. La première présente... Les villes et communes de la région de Charleroi et du Sud-Hainaut et les opérateurs publics vous invitent à la troisième édition du Forum Immobilier, ces 20 et 21 octobre au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. À découvrir les projets en cours et à venir dans la région et les possibilités d'investissement dans tous les secteurs de l'immobilier. Plus d'infos sur forum-immobilier.be. La première... Météo. Bonne fin de journée à tous. Finalement, les éclaircies ont mis parfois un petit peu plus de temps que prévu à revenir. On s'attend à ce que la météo soit calme ce soir et la nuit prochaine, minima de 9 à 13 degrés. Puis demain, on aura cette fois des éclaircies plus larges dès le matin, un temps calme et sec pour passer en automne, 17 à 22 degrés pour les maxima. Le ciel se couvrira demain soir par le littoral. Vendredi matin, on pourrait retrouver aussi des nuages bas sur les hauteurs avec possibilité de quelques gouttes, mais vraiment anecdotique, éclaircie déjà l'après-midi. 15 à 19 degrés pour vendredi et puis le week-end partagé en deux. Une journée ensoleillée et très douce samedi avec 20 à localement 24 degrés. Et puis retour de température un petit peu moins chaude pour dimanche avec quelques averses de faible intensité. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. La première. 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Tous les étudiants en médecine qui ont réussi au moins 45 crédits lors de leur première année vont pouvoir s'inscrire en deuxième et poursuivre leur cursus. C'est la décision du ministre Marcourt. Mais à terme, pourront-ils obtenir le numéro Unami pour exercer? C'est désormais l'inquiétude des étudiants. Un nouveau drame en Méditerranée. Au moins 29 personnes sont mortes après le naufrage d'un navire de réfugiés. Cela s'est passé en Méditerranée, près des côtes égyptiennes. Un point sur vos conditions de circulation. C'est avec Adrien Demey. Deux points noirs. Le 42 tournée Mons, un accident autour d'Antoin provoque un bouchon et environ 35 minutes de retard dans ce secteur vers Mons. Et puis sur le 411 Bruxelles-Vernamur, les suites d'un accident également autour de Wallin, vous perdez 45 minutes, 10 km de bouchon à cet endroit, c'est en direction de Namur. Et pour commencer ce journal, on se rend aux assises du Hainaut. C'est là que se tient le procès de Bernard Westphal. L'ancien député wallon est accusé du meurtre de son épouse Véronique Piroton le 31 octobre 2013. Bonsoir Michel Grétry. Bonsoir. Vous suivez ce procès pour nous. Au troisième jour de ce procès, vous avez assisté à un incident d'audience et il éclaire le procès d'un jour nouveau. Un incident d'audience, un incident de procédure en fait. La juge d'instruction a été sérieusement mise en difficulté ce mercredi après-midi. Sur question des conseils de l'ex-député Westphal, elle a dû avouer qu'elle a tenu des réunions préparatoires au procès avec ses enquêteurs, avec ses experts, mais également avec le procureur général, avec l'accusation. Elle affirme qu'il s'est agi de régler des modalités pratiques, soit, mais aucun procès-verbal de ces séances n'a été dressé et elles se sont tenues en dehors de la défense. Il règne donc comme un soupçon de manipulation dans la façon de présenter les résultats de ces investigations. Et dans la foulée, il apparaît même que la projection de la reconstitution des faits en matinée a peut-être été biaisé. Ce sont des extraits qui ont été montrés. Et dans ces extraits, il manque un homme important, un pompier qui a effectué un massage cardiaque avec une telle vigueur qu'il pense avoir cassé une côte. Ce sont ces termes. Dans l'optique des lésions internes que l'autopsie a ultérieurement révélées, c'est tout sauf anodin. La juge d'instruction désormais va devoir sans doute multiplier les efforts pour convaincre qu'elle a vraiment, jusqu'au bout, travaillé à charge et à décharge. Merci Michel Grétry donc de nous avoir expliqué cet incident de procédure au procès aux assises du Hainaut de Bernard Westphal. Michel Grétry avec Jean-Marc Vierzet. Tous les étudiants de première année de médecine qui ont réussi au moins 45 crédits, mais qui n'ont pas été classés en ordre utile à l'issue du concours, peuvent passer en deuxième année. Les décisions de justice allaient hier dans ce sens. Cela concerne tous les étudiants, précise Jean-Claude Marcourt, le ministre de l'Enseignement supérieur. Tous les étudiants, en ce compris donc ceux qui n'avaient pas intenté d'action en justice, Olivier Tunus. Pour le ministre Marcourt, il s'agit de mettre tous les étudiants sur pied d'égalité. Pour les étudiants, c'est en tout cas un soulagement. Laurens Kremer, président de la Fédération des étudiants de l'Université de Liège. Il était temps, parce que ça fait quelques temps que les étudiants dits reçus-collés étaient en attente d'une décision officielle. C'est une réjouissance à très court terme, parce qu'ils vont passer en deuxième, pouvoir continuer leurs études. Mais tant qu'on n'a pas une décision sur la numérodynamique à long terme, ceux-ci ne sont toujours pas sûrs de pouvoir professer après tout leur parcours étudiant. En fonction des résultats de l'examen de classement organisé à l'issue de la première année, examen déterminant qui aura droit ultérieurement à un numéro INAMI, il aurait dû y avoir 126 étudiants en deuxième année à Liège. Il pourrait donc être jusqu'à 37 de plus. Avec quelles conséquences, professeur Bernard Rogister, organisateur de l'examen de classement. Ces étudiants qui n'ont pu réussir que 45 crédits au cours de leur première année, on leur demande au cours de la deuxième année de réussir 75 crédits. C'est quasi mission impossible. Un problème aussi au niveau des examens, puisque à partir de la deuxième année, beaucoup d'examens sont oraux. Il y a des examens intégratifs. En général, ils passent devant un jury de deux ou trois professeurs, donc ça nécessite de mobiliser des professeurs pendant 10 demi-journées, et c'est un lourd travail. C'est un problème également pour encadrer ces étudiants et de manière correcte. Les étudiants en cours de cursus demandent, eux, la certitude d'avoir un numéro INAMI. La Fédération des étudiants francophones va dans le même sens. Nous attendons, dit-elle, une prise de responsabilité de la part de Maggie Debloch, ministre de la Santé, et de Jean-Claude Marcourt pour que tous les étudiants aient un numéro INAMI garanti. La NVA a perdu deux députés, les deux spécialistes communautaires des nationalistes flamands, Verloeters et Hendrik Veuille, quittent le parti. Les deux députés n'acceptent pas que Bart De Wever puisse envisager un gouvernement Michel II en 2019 sans programme communautaire. Dans leur communiqué, Hendrik Veuille et Verloeters soulignent vouloir regarder vers le futur et créer un nouveau cadre pour continuer leur projet communautaire. Les élus estiment qu'ils ne peuvent plus s'exprimer de manière indépendante au sein de la formation nationaliste flamande. La NVA prend acte de ces deux démissions et les regrette. Bart De Wever regrette surtout qu'on ait semé le doute sur ce qui fait l'essence de la NVA. La NVA continue à défendre le confédéralisme, insiste-t-il. La majorité croyait tenir son texte pour une prolongation de la garde à vue chez nous dans le cadre des affaires de terrorisme à 72 heures. Le MR et le Premier ministre s'en félicitaient d'ailleurs hier par communiqué. L'opposition réagissait ensuite fermement ce matin. Et puis voilà que cet après-midi, eh bien, il n'y a toujours pas de texte. Impression de désorganisation côté majorité, Fabien Van Eekhout. Le Premier ministre Charles Michel se réjouit, je cite, du dépôt de deux textes concernant la révision de l'article 12 de la Constitution sur la durée de la garde à vue dans les affaires de terrorisme à 72 heures et d'espérer, dit-il, une large majorité pour soutenir cette initiative. Youpi donc, hier soir, 19 heures, moment de se communiquer. Ce matin, l'opposition, sur base des bribes ayant filtré sur ces textes, réagissait, se positionnait, s'opposait, avec arguments juridiques à la clé, disant s'appuyer sur les avis des experts en la matière. Juges, procureurs, professeurs de droit, cours de cassation, etc. Et puis coup de théâtre, alors que côté opposition on disait attendre les textes en question. En début d'après-midi, réunion de la commission terrorisme qui doit les examiner. Le président de la commission, le NVA Kounmetsu, doit lui-même bien avouer que les textes de la majorité sont encore en débat. Le chef de groupe MR, Denis Ducarme, promet les textes pour demain et insiste à chacun alors de prendre ses responsabilités. Pour l'opposition, ça devrait rester non. Bref, on n'est pas plus avancé. Le débat traîne depuis des mois au Parlement et la majorité peine à s'en dépêtrer. Et le même Denis Ducarme annonce ce soir que les propositions de la majorité qui visent à allonger le délai de garde à vue sont signées par le 4 chefs de groupe de la majorité et déposées au secrétariat législatif de la Chambre. Impression de désorganisation, disait-on. Dès le 15 juin de l'année prochaine, il n'y aura plus de frais d'itinérance pour les Européens à l'étranger. C'est ce qu'annonce la Commission européenne. En clair, les consommateurs pourront utiliser leur téléphone de manière illimitée, sans frais complémentaires. Cela dit, l'exécutif européen a pris soin aussi de protéger les opérateurs mobiles. Ils pourront étudier les habitudes des consommateurs pour qu'ils évitent d'abuser du système. Ils pourraient par exemple acheter une carte SIM bon marché embauché dans l'un des pays de l'Union européenne pour l'employer ensuite indéfiniment ailleurs. Dans ce cas-là, donc, des frais de roaming pourront être facturés. Je vous le disais, ce nouveau naufrage d'un bateau en Méditerranée avec à son bord plusieurs centaines de réfugiés, un naufrage à proximité des côtes égyptiennes. La route entre l'Égypte et l'Italie est de plus en plus empruntée. Elle est également l'une des plus meurtrières, comme le montre ce nouveau naufrage. Et selon le dernier bilan, Julien Geffredo, au moins 29 personnes sont mortes et 150 ont pu être secourues. Oui, les opérations de sauvetage se poursuivent en ce moment au large des côtes égyptiennes, puisqu'au total 600 migrants se trouvaient sur l'embarcation au moment où elle a chaviré, avant de s'échouer près de Rosette en Égypte. Alors parmi eux, des Égyptiens, des Soudanais, d'autres nationalités africaines que nous ne pouvons pas encore déterminer, c'est ce qu'indique le ministère égyptien de la Santé. Et il annonce par ailleurs que 15 ambulances ont été envoyées sur place pour prendre en charge les rescapés. Alors cette voie d'immigration entre l'Égypte et l'Italie est de plus en plus empruntée, et surtout depuis le printemps dernier. Selon le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, ces migrants au départ d'Égypte représentent désormais environ 10% des arrivées en Europe. Un voyage qui est d'autant plus périlleux qu'il comporte souvent plusieurs transferts en pleine mer sur des bateaux en très mauvais état. Le directeur de Frontex affirme qu'environ 1000 traversées ont eu lieu sur des bateaux de passeurs entre l'Égypte et l'Italie depuis le début de l'année. Et durant la même période, près de 2800 personnes ont perdu la vie en Méditerranée. Julien Geffredo, merci de nous être fidèles. Très belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offert, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. 17h09 et c'est toujours bien sûr presque sérieux. Effectivement, Diane, retour dans l'information dans moins de 21 minutes à 17h30 avec Arnaud Reussen pour Soir Première. La Première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Et bien entouré, comme tous les jours de la semaine, avec une bande de chroniqueurs qui relatent l'actualité différemment, un peu comme notre invité du jour. Tiens, il le voit, en tout cas, l'information avec humour. Et comme disait Boris Vian, et c'est d'ailleurs sur le site de Médor, l'humour et la politesse du désespoir. C'est ce que vous dites. C'est teinté d'humour, mais c'est surtout profond et travaillé du journalisme, comme il nous plaît de lire et de voir, en tout cas de la lecture. C'est ce que nous vous offrons, puisqu'on vous envoie des exemplaires du dernier numéro de Médor à gagner. Il suffit de nous envoyer bien Médor par SMS au 60 31 75 centimes, le message nom, prénom et adresse. Et il est avec nous donc le, en tout cas un des cofondateurs du magazine coopératif belge, Olivier Bailly, journaliste, et vous avez écrit notamment des romans aussi, Olivier. Oui, ouais. Tout à fait. Ouais, ça va bien. ça va bien. Oui. Edgar ? Ouf. Non, c'est simplement, je trouve que le fact-checking est insuffisant parce que cette citation est toujours mal attribuée. C'est pas Boris Vian qui a dit l'humour et la politesse du désespoir, c'est Chris Marquet. C'est vrai ? Oui, absolument. Et je vous conseille le livre de Dominique Noguez qui retrace l'archéologie de toute une série de citations qu'on attribue mal, dont celle-là. Ah, moi, celle-là, je pensais, on l'attribue pas à Victor Hugo ou oui, un autre à Oscar Wilde aussi, Oscar Wilde, à plein de gens, à Boris Vian également. Aussi, hein. Tout le monde lui est passé dessus. Voilà. En tout cas, vous avez, mon cher Olivier, revisité le journalisme. C'est-à-dire que vous êtes revenu à la source même du journalisme. Et ça fait plaisir. Voilà. Ben oui, en tout cas, quand on a décidé de lancer le magazine, c'est vrai qu'on a mis certaines des procédures qu'on juge innovantes, mais à côté de ça, on a quand même utilisé la vieille casserole du journalisme, à savoir la déontologie, la vérification des faits. Justement, est-ce que vous pensez, chez Médor, vous trouvez que le journalisme perd l'éthique ? Et voilà, celle-là elle est faite. Il fallait vous faire du pognon. C'est une à 2 euros, celle-là. C'était une vraie question ou c'est juste. Non, c'est pas pour Femlex. Derrière chaque question. Non, pas derrière chaque. Il doit y avoir une réponse plus intelligente que la question posée. C'est faisable. En tout cas, je pense que c'est un des points sur lesquels il faut être de plus en plus vigilant. C'est pour ça que nous, on attire l'attention sur. La transparence de nos processus et de nos financements. Mmh. Je pense qu'en effet, il y a cette force des liens faibles entre des gens qui, à un moment donné, à force de se fréquenter, que ce soit des milieux politiques ou économiques, on vienne à avoir des micro-affinités. Et donc, je crois qu'il faut, à tout moment, oui, rester vigilant. Et puis, à côté de ça, il y a quand même la pression économique, dans les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent. Donc, moi, je ne suis pas tant pour le fait de dire qu'il y a des bons ou des mauvais journalistes, mais il y a des bonnes et des mauvaises conditions. On dira à ce que je les ai connus. Et alors, le bon journaliste... Non, alors, les mauvaises conditions, c'est clair que c'est notamment la pression du temps et que, voilà, on ne peut pas demander non plus l'impossible à quelqu'un qui va y avoir 3 heures pour traiter 7 dépêches. Et, mais il vaut peut-être mieux pas le faire, alors, à ce moment-là. Et il vaut peut-être sans doute mieux ne pas le faire, en effet. Oui, mais enfin... Ouais. On l'oblige, hein. Ouais. Bien et personne. Un beau débat en construction. C'est vrai qu'on pourrait faire, vingt émissions avec vous. Allons-y. Vous gagnerez énormément d'argent. Vous avez du financement public ou pas du tout? Alors, on n'a pas de financement public. On a eu, une aide à l'emploi, donc on a un employé 4/5, et donc comme n'importe quelle structure qui se lancerait, il y a une aide à l'emploi. Et on a eu, par le biais d'une société publique, une intervention dans notre capital. Donc, ils ont mis dans la coopérative. Lancement d'entreprise. Voilà, 40 000 euros. Et ce n'est pas un prêt, puisqu'on va devoir les rendre d'ici entre 5 et 10 ans. Et ce n'est pas non plus un subside, puisque ce n'est pas. C'est un investissement. C'est pas chaque année. Et par ailleurs, on a suffisamment bétonné nos statuts pour que toute personne qui met de l'argent dans le projet ne puisse pas prendre les commandes du projet. Donc si vous mettez 20 euros ou 40 000, vous avez exactement le même poids. Et pourquoi vous n'avez pas de subsides comme des aides à la presse, comme les journaux, les quotidiens ont? Alors les aides à la presse, d'abord parce qu'on n'y a pas droit. Oui. Parce qu'on n'existe pas depuis plus de 2 ans, et comme on est d'une coopérative, on n'est même pas sûr d'y avoir droit. Ah, ok. Voilà. Et tout ce qui est des aides dédiées, donc c'est-à-dire sur base d'un projet, où à un moment donné, on aurait un bienfaiteur, je ne sais pas, une entreprise automobile qui viendrait nous inviter à faire un sujet sur le salon de l'auto, il est clair que tout ce genre de soutien, on ne l'accepte pas. Et c'est idem pour les pouvoirs publics. On va s'intéresser à l'actualité du jour. Je disais, on peut passer des heures à parler d'éthique, de journalisme, tellement. On aime ça et on aime Médor, et on vous l'offre d'ailleurs, hein, un exemplaire et des exemplaires que nous vous offrons en envoyant simplement Médor par SMS au 6031, 75 centimes le message. L'actualité est riche ou pauvre, hein, ça dépend à l'angle avec lequel on regarde cette info. Et on parle de François Hollande qui reçoit un prix, le prix d'homme d'État de l'année, une fondation new-yorkaise interconfessionnelle, Appeal of Conscience. Rien que le nom, ça donne envie de recevoir un prix. Il n'a pas compris. Je crois que c'est ça. Il a donc lui a décerné le prix d'homme d'État de l'année. C'était récemment, 8 ans après Nicolas Sarkozy et 1 an après David Cameron. François Hollande, distingué donc pour son leadership dans la sauvegarde de la démocratie et de la liberté. Comment est-ce que vous pourriez retitrer cette information, Raoul Reyers? Belle récompense à titre posthume, presque regretté, François Hollande. Ah, Vincent Flibustier. Walid attend son prix de la question de l'année. ça a été écrit là maintenant, ça. Sans que vous avez travaillé, vous. J'ai même vu le moment où il a écrit. Il a eu un petit rictus. Le petit rictus, ouais. Et le tremblement. Sa veine a palpité. Jean-Jacques Jespers, François Hollande qui reçoit le prix d'homme d'État de l'année. Comment pourriez-vous retitrer cette info? Le jury du prix de l'homme d'État de l'année déclassé pour dopage. Manu Di Pietro. Conscients de leur erreur, ils remettent un prix à François Hollande avant de lui infliger un Luigi atomique. Et enfin, Edgar Schotz. On t'avait bien dit que sur un malentendu, c'était possible. Tiens, vous pourriez retitrer cette information, Olivier. Exactement, je me disais aussi que j'allais paraphraser Jean-Claude Duss. J'ai un peu embêté. Ouais. Eh bien, écoutez justement François Hollande qui fait sa déclaration en anglais. Ça vaut tous les titres du monde, ça. Écoutez. On that day, we were all Americans. C'est pas possible. But today, you are all French. Aware. Because you are. Aware. Ah, j'adore. Une référence aware. À la Belgique et à JCVD. Vous êtes sûr que son prix, ce n'est pas les Gérards? Non, je vous jure. C'est quand même dingue d'avoir. Ça me tue toujours d'avoir une telle puissance, d'être un pays du. Chef d'un pays, une des plus grandes puissances mondiales, l'arme atomique, tout ça, et de ne pas savoir prendre 3 mois de cours d'anglais. Ils n'ont pas le temps, monsieur. Ils n'ont pas le temps. D'ailleurs, nous non plus, on n'a plus le temps. On envoie pendant ce temps-là et on doit écouter vos histoires. C'est parti pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là. C'est presque sérieux. Et pendant ce temps-là, Théo Franken envisage d'enfermer les illégaux plus longtemps. Une idée qui émane sans doute de sa toute petite cellule. Et pendant ce temps-là, Vincent De Wolf quitte le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 2 questions. Qui est Vincent De Wolf? Et à quoi sert le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Et pendant ce temps-là, David Goffin a initié Bardo Weaver au tennis. Ah, c'est vrai qu'en politique, on aime les sports de raquettes. Coïncidence ? Je ne crois pas. Et pendant ce temps-là, cinéma. Son nom, TTIP. Le TTIP n'est que dans l'intérêt des grandes entreprises, pas des citoyens. Le TTIP, c'est la porte ouverte à la libéralisation de secteurs entiers. Les multinationales, ce qu'elles voulaient, c'est... Le TTIP ? TTIP, oui. Non au TTIP et au CETA. TTIP, le traité de libre-échange avec les États-Unis. Wouh, ça me branche. Une manifestation contre le TTIP. Avec le hashtag StopTTIP, une contestation qui est donc suivie un petit peu partout. Veribatip, bientôt dans toutes vos rues. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Hey, production américaine, ah, ça rappelle le film, le genre de Fast and Furious Verviers, toi. Ça doit être ça. Vincent Flibussier, on va faire une parenthèse dans vos histoires, vous ne les raconterez demain. Bah, je préfère laisser ma place à Médor, c'est plus intéressant. Vous avez raison. Tiens, en tant que magazine de fin limier qui essaie de sentir les choses, vous êtes plus proche de Pif ou de Flair? Sans doute ni l'un ni l'autre, hein, parce que quoi que Pif, c'était quand même de la BD. Donc, j'ai quand même prendre sur Pif, la alors. Forme. Quand on évoque la rédaction de Médor, est-ce qu'on peut parler de Brigode Canine? 20 euros. Je mets 20 euros sur celle-là. Non, mais là, on en est à 40. Non, vraiment, ah, bah, ok, je mets 50. J'ai déjà un abonnement de 2 ans. On est en tout cas mordant. Oui, alors est-ce que De Brigode est mordant? Ça, c'est la sous-question. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est composée notamment de journalistes et pas uniquement. On a des graphistes, des photographes, des communicateurs. Et donc, c'est une équipe assez vaste tout de même en tant que fondateur. On est 19. Avec les différents métiers, donc ça nous permet d'être que du consanguin justement entre journalistes qui pensent toujours que leur petit microcosme est la réalité, et c'est que c'est une réalité qui doit se retrouver dans les médias. Merci en tout cas d'être avec nous, Olivier Bailly, cofondateur de Médor. Vous restez avec nous, dans un instant on vous posera, enfin non, vous lirez une question qu'on n'a pas osé vous poser. Vous avez une enveloppe face à vous, vous ne l'ouvrez pas encore maintenant. Non, vous ne l'ouvrez pas encore maintenant. Vous la gardez à côté de vous, et là, voilà, et vous la lirez dans un instant. C'est comme ça qu'on terminera cette émission. Mais avant cela, on continue à s'intéresser à l'actualité avec Manu Di Pietro, et vous nous parlez du journalisme. Du journalisme. Ah ben allez, c'est parti, en musique. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. C'est presque sérieux, sur la première. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en. Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi? Ça c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. Et top! Vous pensiez que le temps ne pouvait pas s'acheter? Détrompez-vous. Vous pourrez enfin rentrer plus tôt chez vous. Pour votre administration sociale, faites confiance aux experts de groupe S. Et profitez de plus de temps pour faire ce qu'il vous plaît. Découvrez l'offre multiservice de Groupe S. Rendez-vous sur plusdetemps.be. Groupe S, votre secrétariat social. Nouveau, Comia Casa Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di marais ou les farfalle pancetta formaggio. Comia Casa. Apportez un peu de chaleur. Ce message s'adresse à vous, qui gardez de l'argent pour les enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant. Oui, vous. Qui voulait vous lancer dans les placements, vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Pour vous, CBC a formé des conseillers qui vous proposent les solutions adaptées à vos ambitions et vous parlent sans langue de bois, dans les bons comme dans les moins bons moments. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. CBC Banque et Assurance, décidez d'avancer. On est toujours gagnant chez Intermarché, et plus encore ce samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaires en magasin. Dans le cadre des nuits de septembre Orient-Occident, la première présente Al-Sahra and the Nubatone sans concert. Al-Sahra marie ses influences arabes et est-africaines à des rythmes groovy. Il nous offre une pop légère et envoûtante. Au cinéma Le Parc à Liège, le jeudi 22 septembre. Infos et réservations, grignot.be. La première. Mobile Info. Info. Info trafic avec Adrien Demey. Que se passe-t-il sur nos routes à 17h22? Allez, deux points noirs. Tout d'abord, le 411 Bruxelles vers Namur. Vous perdez une cinquantaine de minutes à l'approche de Wallin. 11 km avant, ça coince fortement. Les conséquences d'un accident qui s'est produit dans le secteur de Wallin, donc vers Namur. Et puis, c'est dégagé sur le 42 tourné vers Mons, à hauteur d'Antoin. Dégagé, mais toujours des files importantes. Encore une bonne demi-heure perdue dans ce secteur vers Mons. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Rendez-vous sur medor.coop si vous voulez découvrir ces articles faits sur mesure par des artisans. Il le disait il y a un instant, Olivier Bey, cofondateur de Medor, des journalistes producteurs de sens. Et c'est intéressant pour nous en tout cas de remettre le sens au milieu de tout. Et il en mettra, tiens, justement, autour de l'actualité et du journalisme. Il s'agit de Manu Di Pietro. Oui, oui, tout va vite, très vite, trop vite, surtout la presse. Résultat, on s'embrouille, on s'en mêle les pinceaux et c'est la faute à qui? Hein, on se pose la question. Alors, quand il y a tant de sujets critiques à couvrir, comme des divorces, des chiens écrasés, bah justement, tiens. Est-ce que c'est la rubrique nécrologie dans Médor, la rubrique des chiens écrasés et des kermesses de village, Manu Di Pietro, c'est à vous. Mais oui, tout le monde peut se tromper, c'est vrai. Mais une nouvelle d'une telle importance n'a pu vous échapper, cher public et collègues. On devait s'y attendre, il fallait bien que ça arrive un jour. Sans doute l'effet cumulé de la fatigue à force de courir le scoop ou bien à l'arrivée de l'automne et son spleen corollaire. Toujours est-il que les faits sont là, indéniables, imprimés, publiés, partagés des milliers de fois sur les réseaux sociaux, visibles sur les internets pour les siècles et les siècles. Sud Presse a utilisé le conditionnel. Le drame s'est déroulé ce matin en reprenant le titre de l'ADH Bernard Westphal a un QI de 83. Mmh. Sud Presse a titré Bernard Westphal aurait un QI de 83. Stupeur dans la rédaction. C'est pas sûr qu'il en ait. On se perd encore en conjecture quant à savoir comment cet accord du verbe avoir a pu ainsi atterrir sur le site web du leader de la presse quotidienne francophone. D'habitude plus incisif dans ses choix de temps et d'accord, privilégiant l'indicatif présent, hein, plus péremptoire, ou encore l'utilisation des participes passés avec l'auxiliaire être, comme dans « justice est faite », une phrase qui ne laissait planer aucun doute et ne laisse aucune place à la nuance. Mais alors le conditionnel, cette forme gutturale presque barbare, pleine de sous-entendus et truffée de portes laissant place au questionnement et horreur suprême, à la possibilité de se tromper, une forme grammaticale qui, jusqu'à présent, n'avait jamais eu droit de citer sur les pages de Sudinfo. D'ailleurs, les réactions n'ont pas tardé sous l'article, où les commentateurs habituels ont rapidement exprimé leur incompréhension, et quand je dis incompréhension, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que ce aurait voulu dire. Je cite « C'est un scandale, je ne viens pas ici pour lire des choses qui font réfléchir, sinon je ne lirai que l'horoscope et la météo de Luc Trulmans », indique par exemple Janine, dont on apprend sur le profil Facebook qu'elle aime ses petits-enfants, la danse country, et les photos de migrants échoués sur les plages. Du côté de la rédaction en chef et de la direction, on encaisse encore le choc et on cherche d'une part à trouver une explication, et d'autre part à limiter les dégâts. On cherche encore le responsable, indique le rédacteur en chef. Ça devrait aller assez vite car nos esclaves, pardon, les journalistes ne sont pas nombreux et on n'a ni correcteur ni secrétaire de rédaction depuis au moins 10 ans. Mais sachez une chose, si on l'attrape, on le fend en deux au milieu de la rédaction pour faire peur aux autres, croyez-moi. Et justement, exclusivité, nous avons pu recueillir le témoignage du malheureux inconscient qui a commis cette gaffe. Inutile de vous préciser que contrairement à l'organe de presse pour lequel il travaille, nous garantissons son anonymat et promettons de ne pas révéler où habitent ses parents. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, j'avais bien lu les règles de déontologie qu'on m'avait données quand j'ai commencé, ça m'avait surpris parce que c'était imprimé sur du papier toilette et on lisait bien en grand « pas de conditionnel ». Mais j'ai vu l'article de l'ADH sur le QI de Bernard Westphal et j'ai paniqué, il fallait que ça apparaisse aussi sur notre site et là j'ai gaffé. J'ai utilisé mon esprit critique. Ce qui est formellement interdit, c'est même la première ligne du PQ, pardon, du règlement. En plus, il y a même un tapis pour s'essuyer les pieds à l'entrée des bureaux avec esprit critique écrit dessus. Je suis tellement mortifié et j'espère que ça ne va pas compromettre ma carrière dans le journalisme. J'aurais bien fait un reportage sur la bite de Saint-Gilles, mais il paraît qu'ils ont un spécialiste sur vivacité. J'espère pouvoir me rattraper avec un dossier sur la fille de Westphal, celle qui est dans 2 photos sur 3. Selon un sondage, nos lecteurs la trouvent, je cite, « assez bonne ». Je vais proposer un dossier sur les relations troubles qu'elle entretient avec son père. On demandera un avis à un sexologue, à un psy et à Dominique Lehmann. Et on offrira un tube de lubrifiant avec le journal. Je sens que ça peut cartonner. Voilà une attitude saine. Rebondir après un échec. Bon courage à toi, noble serviteur de l'information. Ah, Manu Di Pietro, cette actualité revisitée comme tous les jours, presque sérieusement avec notre invité. L'émission touche presque à sa fin. Olivier Bailly, vous avez devant vous une enveloppe. Ah, mais attendez, avant de l'ouvrir, il faut vous mettre mettre en condition. Il faut une musique qui fasse peur. Musique qui fait peur. Tout le monde a peur. Dès qu'acheter cette enveloppe, et je rappelle, l'intérieur se trouve la question qu'on n'a jamais osé, qu'on n'osera jamais vous poser. Allez-y. La question en 1000 euros. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse du site web de Médor? Mais je vous remercie de me... Non. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que comme DSK, quand Médor est content, il remue la queue? Bon, ben, on va vraiment se faire beaucoup d'argent, parce que non seulement vous allez être coopérateur, mais à force de parler de cul, c'est sûr qu'on va avoir de l'audience. Ah ben écoutez, merci en tout cas à vous. On rappelle Médor. Médor, c'est un regard pertinent, impertinent et en profondeur sur l'actualité. C'est du deep journalisme, comme vous l'évoquez sur votre site. Moi, je l'ai ouvert, il y a Lio à poil dans le dernier. Ah, ouais, bah allez-y, procurez-vous, parce qu'effectivement, il y a de très belles photos. On parle de Roumanie, de médecine, on parle des gravités, des Lolita, en l'occurrence, une interview avec Lio. Bref, merci à vous d'avoir ouvert les festivités des invités, puisque à partir de maintenant, on va en recevoir d'autres, puisqu'on s'était dit qu'on allait faire une petite pause tranquillement. Merci à vous, Olivier Bailly. Merci à Garchotz, à Manu Dimitro, à Jean-Jacques Jespers, à Vincent Flibussier, à Raoul Reyers et merci à vous. Demain, autre style, autre invité, on s'intéressera à l'actualité et à la vie de Virginie Efira. Sérieux sur la première avec dans la suite l'information sérieuse signé Arnaud Reussen pour Soir Première. Belle fin d'après-midi sur la première. Vous êtes curieux ? Vous avez envie d'être au courant des prochains invités ? Vous voulez participer à nos concours ? Abonnez-vous à la newsletter de la première et recevez tous les vendredis matins un condensé des événements à ne pas manquer. Rendez-vous sur lapremière.be. Lapremière.be. Jaguar présente le Art of Performance Tour du 12 au 24 septembre. Réveillez vos sens avec un essai inoubliable. Installez-vous dans une Jaguar XE et laissez-vous surprendre par son confort, ses hautes performances et sa faible consommation. Temporairement, à partir de 299 euros par mois en leasing, 3 ans d'entretien inclus. Réservez vite votre essai inoubliable chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Retrouvez votre météo